L'automne est déjà arrivé et vous voulez vous payer une bonne bouffe? Le restaurant Midas, c'est l'endroit idéal pour tous. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs et offre un tout nouveau menu pour tous les budgets. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas rappelle que l'achat local est important pour soutenir notre économie. Il a terminé son tournoi la semaine dernière, ou sa saison estivale au Québec. C'est le golfeur Pierre-Alexandre Bédard. Il a terminé dans un tournoi aux Bermudes. Question d'en avoir davantage et de savoir comment il a passé l'année. On parle avec Pierre-Alexandre. Salut Pierre-Alex. Salut Danny. Pierre-Alexandre, d'abord, si j'imagine aux Bermudes, on va parler des Bermudes. Comment ça a été? J'ai vu des photos sur les médias sociaux. Mettons que les décors sont très, très jolis, hein? Écoute, c'était une place assez magnifique. Probablement la plus belle destination golf que j'ai faite dans ma vie. Ouais. J'ai joué plusieurs terrains de golf, mais côté environnement, les Bermudes, là, c'était vraiment une place impressionnante puis incroyable, je dirais. J'ai probablement joué le plus beau terrain de ma vie, sur des vues spectaculaires, beaucoup de montagnes, d'élévation. Ah oui. Non, j'ai bien aimé mon périple aux Bermudes. Puis j'imagine que l'entretien également du terrain doit être super aussi. Là. C'est sûr que comme un peu partout dans les terrains de golf là, qui ont un petit peu d'argent, là, les terrains de golf là-bas sont quand même très très bien entretenus. Ouais. Non, c'est vraiment une place là, que je peux proposer aux gens d'aller voir, puis c'est une place quand même assez dispendieuse, mais une place merveilleuse avec des plages vraiment hallucinantes à voir. Puis non, on a été bien traités, puis on a passé un voyage de rêve un peu, là, si on peut. OK. Ça, faut dire que c'est un tournoi vraiment là, un tournoi que tu as gagné sur mérite. Là. C'est pas un tournoi que t'es allé parce que tu as gagné. C'est vraiment, tu l'as mérité ce tournoi-là. Là. Ta présence. Dans le fond, exact. Dans le fond, il y avait une qualification qui était au mois de juin. Okay. Avec mon entraîneur, on est allé ensemble. C'était un tournoi en équipe de deux. On est dans le deuxième. Les six premiers de la qualif avaient le droit d'aller au tournoi. Donc, on était vraiment, vraiment contents de se classer pour aller à ce tournoi-là. Ensuite de ça, ce tournoi-là représentait les meilleurs golfeurs professionnels au Canada. Mm. Donc, en équipe de deux. Il y avait des gens de la Colombie-Britannique jusqu'au Québec, puis la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, qui étaient là. Il y avait 47 équipes présentes, puis on est terminé en 8e position. Donc, vraiment une très, très bonne performance quand même en équipe pour moi puis mon entraîneur. Il joue pas souvent, il joue pas régulièrement, donc pour lui, c'était son premier tournoi de l'année, donc c'est sûr que pour lui, ça a été un petit ajustement au début, puis il a su très, très bien faire là, pour le reste du tournoi. Donc, non, vraiment, vraiment content de ce tournoi-là. Dave, c'est Dave Lévesque, c'est un golfeur très, très connu, c'est un golfeur qu'on connaît très bien dans le secteur au Québec. Quand tu suis un peu l'activité du golf, c'est lui qui a gagné, hein? Exactement, il a gagné en compagnie de Marc-Étienne Bouchard, ouais. Qui lui aussi là, est un très, très, très bon golfeur, même bien coté au Canada. Il a gagné le championnat canadien en match play cette année, qui lui a permis d'aller en Europe, où il s'est terminé troisième dans un tournoi professionnel là-bas. Donc, eux, ils étaient en équipe de deux, les deux ensemble. Ils ont joué moins 20 pour le tournoi sur les trois journées. Puis, moi et Mathieu, on a joué moins 15. Donc, quand même, on était seulement à 5 coups de la première position. On est vraiment, vraiment content avec ça. Puis, l'année prochaine, là, on va probablement retourner aux Bermudes là, pour reprendre notre chance, pour essayer de faire encore une meilleure performance. OK. Si on parlait maintenant de ta saison, évidemment, c'était une saison qu'en deux temps, la fin de ta carrière amateur et également le côté professionnel. D'abord, si on parlait de ta carrière au niveau amateur, comment tu l'as conclu? Est-ce que tu es content de la façon que tu as terminé ta carrière du côté amateur? Écoute, j'avais deux objectifs en début de saison, ouais. Ma dernière saison amateur. La première, c'était de remporter un tournoi que je n'ai pas fait. Cependant, j'ai quand même j'ai réussi mon deuxième objectif qui était de terminer premier au Québec sur le classement Golf Québec. Okay. Donc au moins je peux dire que j'ai terminé premier. J'ai eu un paquet de bonnes performances encore une fois amateur cette année. Plusieurs deuxièmes positions. Écoute, en réalité, je suis vraiment, vraiment content quand même là, de tout ce que j'ai fait amateur. J'ai pas brûlé aucune étape, je me suis pas précipité à aller pro. Puis le cheminement de professionnel, c'est vraiment bien déroulé. J'étais prêt, Je savais ce que je m'en allais, puis je n'étais pas intimidé face aux autres golfeurs professionnels qui m'affrontaient. OK. Si on y allait maintenant avec aussi ton passé au niveau professionnel, ça a été quand même très positif. On va dire une affaire, c'est surprenant. Ça a même été surprenant. J'ai fait 5 tournois professionnels, plus le tournoi des Bermudes, un 6e tournoi. Ça fait commencer milieu à août, tournoi à la Coupe Canada. J'ai joué le tournoi à Saint-Georges-de-Beauce, j'ai joué 2 tournois en Ontario, puis j'ai joué un dernier tournoi au Québec pour clôturer la saison. Vraiment content, j'ai obtenu ma pire performance, c'est un top 20. Trois top 10, deux fois dans des positions de dernier groupe là, pour essayer de remporter le tournoi en dernière ronde. J'ai joué un cumulatif d'un average de moins 2 par ronde dans mes tournois depuis que je suis professionnel. Donc c'est vraiment une belle amélioration pour moi. Je me suis vraiment bien senti, c'est ça qui a fait la différence, quoi, là, dans mon. Lorsque j'ai tourné pro, je connaissais beaucoup de professionnels qui étaient déjà sur le circuit. Donc je savais à quoi m'attendre un petit peu. Je me suis bien préparé. Mon niveau de golf aussi il a pris encore un autre échelon. Je continue de m'améliorer sans cesse. Là. C'est vraiment très très positif de mon côté. Je vois l'évolution d'année en année, mais c'est vraiment plus de mois en mois présentement cette année. Que ça a été une belle différence. Puis là, je me repose pour un petit 2 mois là, après cette saison-là qui va être bien méritée pour moi. Puis continue quand même de planifier là, ma prochaine saison 2017. Ben non, on va parler de ça, mais avant de passer tes vacances, parler de ce qui c'est le côté Floride, le côté hors du Québec. As-tu trouvé un changement de mentalité? Quelle a été la plus grosse différence entre le golf amateur et le golf professionnel? Dans le hockey, on dit que ça va plus vite. Donc, c'est quoi la plus grosse différence entre les deux? Écoute, je pense que les meilleurs amateurs dans le monde sont capables de rivaliser là, avec les meilleurs professionnels. Cependant, c'est un petit peu plus sérieux. Les gars sont un petit peu plus âgés. Ont un peu plus d'expérience dans leur domaine. Justement, c'est leur domaine aussi respectif. Là. Il y a de l'argent aussi qui rentre en ligne de compte. Puis la plus grosse différence, je pense que pour moi, qui était bonne, dans le fond, c'est vraiment l'ajustement que je connaissais bien les joueurs. Puis j'ai pas été intimidé par ça. Je pense que c'est ce qui a fait vraiment la plus grosse différence. Les scores aussi sont un petit peu meilleurs. Lorsque tu joues un nombre de even ou moins 1, plus 1, c'est plus dur là, de vouloir aller remporter le tournoi. Donc, on doit se permettre de jouer vraiment des meilleures rondes à chaque jour pour aller chercher le maximum d'argent. Puis, écoute, c'est ma première expérience cet été. J'ai vraiment hâte de continuer à jouer au golf puis professionnellement. J'ai vraiment trouvé ma place un petit peu de vers où je voulais m'en aller. Puis non, écoute, la différence, c'est de prendre ça aussi plus à cœur un petit peu sur le parcours. Quand on est amateur, vu qu'il n'y a pas d'argent en ligne de compte, lorsqu'on arrive en fin de tournoi, ça a été un petit peu moins bien aujourd'hui, on se décourage un petit peu plus facilement. Tandis que professionnel, c'est des sous qui coûtent. Ça coûte des sous à chaque coup. Puis lorsqu'on arrive à la fin, on se rend compte qu'on n'aurait pas dû lâcher. Fait que c'est vraiment un apprentissage que j'avais fait quand même avec les amateurs. Avoir des amis joués comme Sonny Michaud et Clément Hervieux depuis plusieurs années sur le circuit professionnel. Ils ont su m'aider pour arriver prêt dès le premier tournoi. Donc, non, je suis vraiment, vraiment content. OK. Mais j'imagine, bon, que vu qu'il n'y a pas d'argent à gagner, au niveau amateur, on prend moins ça au sérieux, là. J'imagine que c'est ça. Pas qu'on prend ça moins sérieux. Dans le fond, ça fait partie du cheminement. Okay. On veut toujours gagner. Moi, je suis quelqu'un qui adore la victoire. Puis, j'aime ça gagner tout ce que j'entreprends. Il faut que j'ai une chance de gagner ou d'être le meilleur. Puis, donc, amateur, c'est ce que j'ai essayé de tenter. À chaque tournoi, j'ai quand même donné le meilleur de moi-même. Simplement que la plus grosse différence, c'était vraiment en fin de tournoi, là, lors des dernières rondes, là, où j'avais un petit peu plus de misère du côté amateur à toffer, puis à gérer un petit peu plus la nervosité quand je suis dans une position de victoire. Puis, niveau professionnel, toute cette expérience-là amateur m'a vraiment servi, là, positivement là, pour mon tournoi pro. OK. Si on parlait maintenant de ton passage chez les professionnels, évidemment, tu es à Chipougamau. D'abord, les Bermudes puis Chipougamau, c'est tout un contraste, ça. Hein? C'est incroyable. J'étais aux Bermudes il y a 2 semaines. Ouais. Je suis revenu à Québec cette semaine. J'ai été capable même de jouer au golf. Ah oui, là, je viens d'arriver depuis 1 heure à Chugamo, puis il y a de la neige là, dans ma peau. C'est un vrai vraiment un contraste spécial. Hey, Pierre Alexandre, ce que je veux te dire, c'est là que tu vas passer 2 mois. L'année passée, t'avais passé en Floride après ta saison estivale. Est-ce que tu fais ça parce que t'as besoin de vacances ou deux, ça coûte cher, puis à un moment donné, il faut couper les dépenses? Écoute, je pense c'est plus pour le repos. J'ai quand même joué depuis le mois de février, depuis 2016, que je joue sans arrêt des tournois à gauche et à droite, en Floride, des tournois au Québec. J'ai voyagé aux Bermudes, j'ai voyagé plusieurs endroits, en fait. Puis je sentais que j'avais vraiment besoin de repos. C'est plus repos de golf. Je vais prendre ce 2 mois de congé-là à Chicago pour vraiment me préparer comme il faut pour ma prochaine saison. Regarder à quel endroit je vais en Floride en 2017, puisque c'était pas encore déterminé. Trouver un cochambreur, essayer de ramasser un petit peu d'argent aussi là, avec des commentaires, essayer de chercher un petit peu, parce que de ce côté-là non plus, c'est encore nous qui... C'est ça exactement. Ça coûte quand même assez cher. Mais je pense que non, c'est plus le repos, je vais m'entraîner un petit peu, me remettre en forme physiquement le plus possible pour arriver prêt en janvier 2007 et avoir vraiment le goût de continuer encore puis de jouer tous les jours. OK. Est-ce que c'est comment tu vas t'y prendre pour les tournois? Est-ce que tu vas y aller? Est-ce que tu connais les meilleurs golfeurs ou les chances d'avancer plus? Comment tu vas... ton choix va s'aligner comment? Écoute, j'ai jamais aussi cru en ce moment que je pourrais un jour gagner ma vie dans le golf. Okay. C'est vraiment clair en ce moment. Le plan de match, en fait, c'est au mois d'avril, il y a les qualifications pour le Canadian Tour, qu'on l'appelle le Mackenzie Tour. C'est un circuit qui regroupe les meilleurs Canadiens ainsi que les meilleurs Américains sur un circuit qui part de l'Ouest, qui va jusqu'en Est, au travers du Canada. 11 tournois durant l'année. Les joueurs sont d'un très, très, très bon calibre. Il y a des bonnes bourses aussi. On parle environ de 200 000 $ par bourse, par tournoi. Donc, c'est vraiment un circuit qui est quand même intéressant pour moi. Ça va me permettre aussi, encore une fois, de continuer à gravir les échelons tranquillement, de pas sauter d'étape, de vraiment continuer à pousser pour voir mon niveau de jeu par rapport à ça. Mais cet été, j'ai quand même eu la chance de jouer avec des joueurs de ce circuit-là, puis j'ai vraiment bien fait par rapport à eux. Je me suis pas senti intimidé, je me sentais bien. J'ai battu mes adversaires sur ce circuit-là. Donc non, je m'en vais là l'année prochaine en avril. Les qualifications, c'est 4 rondes. Ils vont prendre les 25 premiers environ sur 140 inscriptions. Puis ces 25 premiers-là vont avoir leur carte là, pour passer l'année sur le circuit du Mackenzie Tour. Ça, c'est un petit peu le cheminement. Là. Dans le fond, après le Mackenzie Tour, on se trouve avec le web.com. Okay. Kevin Fortin-Smart a joué aussi dans le temps sur le Nationwide. Ça, c'est un petit peu pour les gens qui se posent des questions. Là, c'est un peu la Ligue américaine pour la PGA. Là. Si on met ça au hockey, les gens aiment ça faire la comparaison. Là. C'est la Ligue américaine du hockey. Exact. C'est un peu un cheminement obligatoire, mais que plusieurs gens prennent le chemin. À ce moment, il n'y a plus de qualification pour aller sur la PGA directement. Donc, c'est un cheminement normal, comme un petit peu la Ligue américaine. Il y a des exceptions, comme des joueurs comme Sidney Crosby qui réussissent à faire leur chemin dans la Ligue nationale, comme Speed un petit peu au golf. Mais non, le web.com, c'est un très, très, très bon circuit puis qui teste vraiment les meilleurs golfeurs au monde, en fait, là, sur ce circuit-là. OK. Ben Pierre-Alexandre, très intéressant, encore une fois. C'est fort intéressant, puis je te remercie beaucoup de ta collaboration, puis on va te suivre, même en Floride, on va te suivre. On est pas mal de... Je suis pas mal le média qui te couvre le plus, fait que ça me fait plaisir, puis on va s'en reparler prochainement. Un gros merci, Danny, c'est gentil. Pierre-Alexandre Bédard de Chibougamau.